c'est fou. 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Vous êtes assez fou. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. Sébastien Guertin sera certain de ce qu'il avancera ce matin dans son bulletin Guertin. Et David Ferron aura de bonnes intentions pendant sa présentation de la carte blanchée. Bleaché. Carte blanchée, c'est correct. Carte blanchée, carte bleachée, même affaire. Hey, les couleurs. Hey, hein. Je suis daltonienne. C'est ça, du blanc. C'est ça. Assemblage requis commence tout de suite. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui. Assemblage requis. Je te jure que si je travaillais dans le marketing, je ferais un concept publicitaire malade avec un daltonien qui est pas capable de voir les taches sur du tissu blanc. Ah, oh, ça serait tellement bon. C'est pas pire. Ouais, ça serait merveilleux. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce mercredi 31 janvier 2018. On est à 86 jours de la fin de l'année scolaire. Je m'appelle Mathieu Plantin. Et moi, Tania Baudin, on est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières, là où ce matin, il fait pas chaud. Fait pas chaud? Ben non, mais tu sais, hein, à un moment donné. Hein? Ben, hein, faut bien se faire. Ouais, ben on, un, on vit au Québec. Ouais. Deux, on est situé sur le campus de l'UQTR. Mm-hmm. Chauffage, ça se fait rare. Ouais. On salue les gardiens de sécurité encore ce matin. Oui, ben oui, on sait pas. On pense qu'on a déclenché une alarme, Mathieu et moi, en s'en venant ce matin. On a cogné à mon cubicule de toilette ce matin. Toc, toc. Oui, il y a quelqu'un. Oui. Oui. Qu'est-ce que vous faites là, cette heure-là? Je m'en viens animer. Ouais, je me le demande aussi. Qu'est-ce que je fais ici, cette heure-ci? Aujourd'hui, à l'émission, Tania, nos chroniqueurs sont nombreux. Oui, ben oui, comme à chaque mercredi. Dans le nombre de deux. Exactement. C'est plusieurs. Sébastien Guertin va être avec nous tout à l'heure pour son bulletin Guertin en début d'émission. David Ferron va être là à 8h30 pour la carte bleachée, hein? Sa chronique musicale qui nous présente aux deux semaines ou plus, dépendant de l'actualité du Zone Campus. Ta chronique s'en vient aussi, j'ai très hâte de savoir ce que tu nous prépares pour Tania's Gun Entertainment. Je vous parle de régime alimentaire, en fait, ce matin. Vous allez voir, aujourd'hui et demain, ça va vraiment jouer dans le thème de la nutrition et de l'alimentation. Mais je vous parle de régimes alimentaires qui sont peut-être encore un peu inconnus, mais si vous allez au gym, vous en entendez parler tout le temps. Ah, oh, vous allez la voir. Poudre! non, pas ce régime alimentaire-là. Non, en effet, non, je suis désolée. Autour de ça, on va aussi s'acheter des gadgets sur Internet dans 5 semaines, ça ne devrait pas, on l'a. Mais avant ça, en musique, on écoute une pièce de Pendentif. Oui. Voici Vas-y, fais-le vite. Hey, vas-y. Ah ouais, Mathieu? L'aime bien, ça, là. Pèse dessus. Ouais. Fais-y vite. OK. Tu dis oui, vas-y, viens là. ça vite. De pendentif. Oh. C'est drôle, la toune s'appelle Fais ça vite, mais il le dit jamais. Non, c'est ça. Mais en même temps, qu'est-ce qu'ils disent dans la chanson? C'est... Ouais, c'est surtout ça la question. Peut-être qu'à cette heure-là, le matin, on devrait même un petit peu plus écouter les pièces qu'on fait jouer. Ah, on pourrait porter attention à ce qu'on dit aussi. Aussi. Hein? Mais pas besoin de parler pour l'instant, parce que ça va être un bloc musical qu'on appelle Les Palmarès, c'est fou. Et oui, c'est le moment d'aller rendre visite à notre très négligé palmarès. C'est fou. Et aujourd'hui, on retourne dans le passé avec notre bloc nostalgique qu'on appelle C'était fou, dont des pièces qui proviennent d'une semaine dans l'histoire de la station. Et cette fois-ci, on va reculer à la rétrospective des palmarès C'est fou 89,1 FM de 2007. C'est là qu'on était rendu dans la célébration de notre 20e anniversaire pendant l'année scolaire. Donc voici le bloc C'était fou. Fire.

Et tout broussé avec The Light. Assemblage requis. Maintenant, on va perdre du poids grâce à Tanya's Gun Entertainer. C'était une petite Tanya qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tanya. And she's gonna do it. Aujourd'hui, on parle de régime, d'alimentation et de trucs comme ça. Exactement. En fait, je vais vous présenter deux régimes dont on a peut-être déjà entendu parler, surtout si vous êtes du genre à vous intéresser à l'alimentation en général, si vous êtes du genre à vous intéresser à l'activité physique en général aussi, vous avez probablement déjà entendu parler de ça. Et le premier que je veux vous parler, bien, on en a discuté, Mathieu, dans les tendances culinaires 2018. Ah. Je ne sais pas si tu te souviens, mais on a parlé de jeûne. Ah, ben oui, le jeûne. C'est une technique que je trouve... T'as pas l'air sûr. Hein? Je trouve toujours douteuse. Ouais. Mais aujourd'hui, j'ai compris que c'est un vrai régime alimentaire, tout ça. Il y a des gens qui s'y prêtent de façon un peu comme le véganisme et tout ça. C'est un mode de vie. Exactement, on appelle ça le jeûne intermittent, en fait, ou encore le fasting, parce que ça vient de la traduction anglaise intermittent fasting. Fast et... comme dans jeûne, et breakfast, c'est comme déjeuner, donc c'est comme l'équivalent, tu sais, breakfast comme dans tu brises ton jeûne, et déjeuner, tu déjeunes, hein? Oh c'est boy. Ça, hein? Linguistiquement parlant, c'est ça que ça veut dire. Ben... T'as remarqué? Déjeuner, là, ça veut dire déjeuner. T'arrêtes ton ouais, jeûne. Ouais, mais c'est un jeûne intermittent. Ouais, non, je comprends, mais je parle linguistiquement parlant. Ouais. Le mot. Ouais. Ça veut dire d'arrêter de jeûner quand tu déjeunes. Ok, ouais, je comprends. Mais c'est un régime alimentaire, en fait, qui consiste à alterner des périodes de jeûne, comme on l'a dit l'autre jour, avec des périodes d'alimentation qui vont être vraiment normales. Les effets recherchés, bien évidemment, peuvent être d'ordre physique, c'est-à-dire une perte de poids, une amélioration de la santé, ou encore d'ordre spirituel. Donc, il y a des gens qui vont le faire tout simplement pour le bien-être d'eux-mêmes, mais en parlant d'ordre spirituel. Et il y a des études à ce sujet-là, sur cette façon de faire le jeûne intermittent, qui sont menées quand même depuis 1943. Moi, je ne savais pas ça. Et ça m'a un peu scié deux jambes quand je réalisais que depuis 1943, il y a des gens qui s'y prêtent et il y a des gens qui font des recherches, des études par rapport à ça. Parce que dans ma tête, ça a toujours été mal que de se priver de faire quelque chose. donc, de ce côté-là, j'ai quand même un petit peu de difficulté. Comment est-ce que ça fonctionne? Bien, la durée, en fait, du régime, c'est une fréquence jeûnée. Donc, ça va être modulable. Vous allez y aller de façon quand même cyclique. Et la plupart du temps, bien évidemment, ça va être des cycles de 14 à 16 heures. Les périodes de jeûne et d'alimentation qui sont dites normales vont avoir vraiment là, une durée fixe. Il ne faut pas que vous jouiez trop longtemps dans ces durées-là si jamais vous voulez vous prêter à ce fameux régime-là. Parce que, bien évidemment, c'est le fait que ça soit fixe qui fait en sorte que votre système s'améliore, un. Et deux, bien évidemment, va se familiariser avec ce que vous faites. S'habitue. Exactement. Donc, la pratique, principalement, bien, c'est qu'on va essayer de se restreindre en apport calorique pendant une fenêtre de temps, comme je le disais, de 14 à 16 heures, on va jouer dans ces eaux-là, par exemple. Vous allez peut-être sauter le petit déjeuner, commencer à manger à midi si le dernier repas vous a été servi à 20 heures. OK, oui, je comprends. Donc, calculer entre 20 heures et midi. C'est ça, ça fait un cycle de 16 heures. Ça fait 16 heures, ben oui. Ça fait un cycle de jeûne de 16 heures. Et d'autre part, bien, il y a certains adeptes du régime qui vont combiner tout ça à l'activité physique. Là, on dirait que c'est là que je buzz sur ce fameux petit régime-là. Dans ma tête, d'aller faire de l'activité physique sans rien avoir dans le corps, c'est mauvais. Genre, mais est-ce que ton entraînement, tu feras pas ton entraînement pendant ton jeûne, tu vas le faire entre les... Ouais? OK, ouais. Tu le fais comme au réveil de ton jeûne. Tu sais, je trouve ça risqué un petit peu. Il y a certaines personnes qui disent que ça fonctionne très bien parce que ça t'amène un apport en énergie qui est incroyable, apparemment. Okay. Je vais pas l'essayer, OK? Honnêtement, je vous le dis tout de suite. Fait que tu vas pas nous revenir là-dessus plus tard. Non, c'est sûr et certain. Si vous voulez l'essayer, dites-moi comment ça se passe, mais moi, je le ferai pas. Il y a des conséquences, bien évidemment, qui sont physiologiques par rapport à tout ça, parce que c'est ça qu'on veut aller chercher avec ce type de régime-là. Le jeûne intermittent, c'est quand même susceptible à conduire à une perte de poids, on s'entend, à une accumulation de la graisse dans les tissus adipeux. Donc, on va aller chercher un développement de l'obésité aussi à un certain moment sur le côté négatif. Et on peut avoir des syndromes métaboliques qui vont changer aussi. On va aller chercher une perte de masse adipeuse qui va être proportionnelle à la masse corporelle. Donc, vous allez réduire cette masse adipeuse-là selon la masse corporelle que vous avez. Donc, pourquoi est-ce que les gens vont souvent combiner ce régime-là à l'activité physique? C'est justement pour pouvoir arriver à ces fins-là. On va avoir une diminution, en fait, de l'inflammation des tissus musculaires. Donc, tout ce que vous dites que vous vous sentez là, vraiment inflammé ou vous avez mal ou peu importe, apparemment que le jeûne intermittent, ça change quelque chose là-dessus. Vous allez aussi avoir une diminution des risques cardiovasculaires. Pourquoi? Parce que votre cœur va être beaucoup plus habitué à pomper en termes de situation, et là, je le mets bien entre guillemets, alarmante. OK. Parce que c'est sûr et certain que si vous, pendant 16 heures, vous mangez pas, à un certain moment, il va vous manquer de l'énergie, vous allez vous sentir faible, probablement dès les premiers jours où vous allez vous mettre à ce type de régime-là, bien, vous allez voir que votre cœur va avoir peut-être un petit peu plus de difficultés ou va travailler un petit peu plus fort pour justement pomper le sang beaucoup plus rapidement ou de façon égale toute la journée. Parce qu'on parle quand même d'une bonne période, là, 14 à 16 heures, on s'entend, sans manger, bien, vous allez probablement être en train de dormir aussi. Donc, le cœur va bien évidemment pomper moins vite, mais il y a quand même de l'activité dans votre corps. On va voir une augmentation de l'appétit durant les périodes d'alimentation qui vont être normales. Donc, automatiquement, si vous déjeunez pas, vous faites un jeûne de 16 heures, rendu à midi, vous allez avoir faim. Okay? Ben oui. Vous allez avoir faim. Ce qui est important dans ce type de régime-là, c'est de bien s'alimenter. Ouais. On va pas aller chercher, par exemple, un hamburger à midi. Okay? On va aller chercher vraiment un type d'alimentation qui va être souvent surveillé dans ce genre de régime-là. Par un coach ou par... Par un nutritionniste, okay. Souvent. On va avoir aussi, bien évidemment, si vous mêlez tout ça à l'activité physique, bien peut-être est-ce que vous avez déjà un coach. On va vraiment aller chercher là, les protéines dans les périodes d'alimentation parce que c'est ça que notre corps a besoin. Donc, on va aller chercher vraiment des périodes d'alimentation où on va manger beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, mais c'est bon pour la santé. Mm-hmm. OK, on va pas chercher du McDo. Genre, on va pas chercher... T'sais, vous comprenez un peu le principe? On va avoir une diminution, en fait, de la mortalité avec ce type de régime-là. Tu mourras jamais. Écoute, non, ça a l'air que ta qualité de vie va augmenter, tout simplement. On va avoir une diminution de l'obésité. C'est drôle parce que ce sont des quelque chose qui est contraire à ce que je disais tout à l'heure. Donc, j'ai trouvé ça vraiment bizarre quand j'ai fait les recherches qu'on dise qu'on allait avoir un développement de l'obésité, mais qu'on allait avoir une diminution de l'obésité. C'est comme si au début puis à la fin, ça. Écoute, hein? Vous allez avoir une conservation de l'apport calorique qui va être moyen. Donc, vous allez, oui, gagner l'énergie dont vous avez besoin, mais vous allez peut-être voir que dans les débuts, vous allez avoir un petit peu plus de difficultés à être énergique, justement, à ce niveau-là. Vous allez avoir une réduction du vieillissement du cerveau. Hein? Parce que vos neurones vont tout le temps être alertes, apparemment. Mm-hmm. Vous allez avoir une modification aussi du rythme circadien. Vous allez trouver des effets positifs sur différents biomarqueurs, notamment le cholestérol et la température corporelle qui vont se mettre à descendre. Donc, vous allez avoir une diminution à ce niveau-là, mais ça va être des effets positifs parce qu'évidemment, on ne veut pas avoir des chaleurs incroyables, puis on ne veut pas avoir de cholestérol non plus qui est haut. Donc, à ce niveau-là, ça serait un régime qui serait assez bon pour les gens qui veulent vraiment là, se mettre certaines limites à leur alimentation peut-être et... On se dit souvent, en fait, que le jeûne intermittent, ça va être bon pour quelqu'un qui ne veut pas nécessairement aller au gym. Mmh. De la façon dont moi, je l'ai connu, c'est vraiment avec les gens qui mélangent ça avec de grandes périodes d'activité physique. Mmh. Donc, pour moi, c'est un petit peu contraint, c'est un petit peu contraste, c'est un petit peu bizarre aussi de voir cette façon dont les gens vont l'apporter dans leur alimentation, parce que, en tout cas, moi, personnellement, je suis incapable d'aller m'entraîner sans avoir mangé avant, sinon me mourir. Parce que ton habitude est comme ça, mais peut-être que tu t'habituerais avec le temps. En fait, j'ai un niveau d'acidité dans mon corps qui fait que si je mange pas, j'ai des brûlements d'estomac incroyables. Donc, je le ferai pas, OK? Ouais. Mais il y a des développements quand même de maladies chroniques qui sont liées à des modifications physiologiques qui sont décrites dans ces régimes-là. Donc, ce qui est important, c'est de garder en tête de bien évidemment consulter une nutritionniste ou un nutritionniste avant de s'y mettre. Et évidemment, demander, poser la question, est-ce que c'est bien d'y aller avec, par exemple, je sais pas moi, 1h30 d'entraînement en même temps que de faire un jeûne, on s'entend, t'as pas mangé pendant 14 heures, t'en vas t'entraîner pendant la dernière heure et demie, ça se peut que t'aies des petites faiblesses, là, tu sais. Il me semble. On s'entend. Donc, il y a une réduction, en fait, de beaucoup de choses, il y a une amélioration de votre système. Je trouve que c'est quand même un régime qui est extrême. Oui, ben oui. Si vous me posez la question. T'as sûrement pas de jour de triche là-dedans, là. Si tu veux que ton système s'habitue, c'est 7 jours semaine, forever and ever. Là. Exactement. C'est sûr que souvent, lorsque les gens vont avoir un régime de vie quand même assez sain, donc on s'entraîne par exemple à tous les jours et tout ça, bien, on le dit, c'est très important d'avoir une journée de repos au niveau de l'exercice, au niveau de l'entraînement, mais aussi c'est important d'avoir un cheat day qu'on appelle, une journée où on va vraiment se donner à cœur joie de manger, là, récompenser. Ouais. Tu travailles quand même 6 jours semaine sur ton corps et tout ce que tu veux. Alors, de ce niveau-là, on se le dit, c'est quand même assez important. Poser la question, tout simplement, il y a un nombre grandissant de gens qui utilisent des programmes qui reposent sur le jeûne intermittent pour maigrir. Okay. Il y a une fenêtre d'alimentation qui est modifiable aussi. Donc, en phase de jeûne, la consommation alimentaire est extrêmement réduite. On s'entend, là, on l'a dit tout à l'heure. Donc, tu peux manger quelque chose, c'est ce que je comprends. C'est réduit, t'as dit, non? On arrête complètement. Okay. Tu peux boire, là, tu peux boire de l'eau, tu peux boire un café, j'imagine, j'espère. Café, je suis pas sûr. Café, je suis pas sûr, mais c'est sûr que tu peux boire de l'eau. Ouais. Mais c'est pas compensé sur une surconsommation en dehors de cette phase de jeûne-là. C'est ça qu'il faut garder en tête. Tu manges pas plus pour compenser pendant le reste de la journée. C'est ça, exactement. La phase de jeûne va varier d'un programme à l'autre et souvent, ça va débuter en général là, le soir. Ouais, tu disais 20h tantôt, j'imagine que tu peux faire 21h. Moi, je mange à 17h, 21h. J'ai déjà fini de manger, En tout cas, donc contrairement à certaines utilisations dans un cadre là, scientifique, dans un cadre qui est vraiment spécifique aussi, bien, le jeûne intermittent pour la perte de poids, ça autorise généralement la consommation de boissons non caloriques durant la phase de jeûne. Donc, non calorique, caféine. Pas café, OK. Bon. On peut maintenant, OK. Il y a des effets qui, c'est sûr et certain, qu'il faut que vous connaissiez bien votre corps avant de décider de rentrer dans ce type de régime-là. Encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, surtout si vous allez le combiner avec une surdose d'entraînement, disons ça comme ça. Apparemment que c'est très facile à suivre, contrairement à la restriction calorique. Oui, où tu dois surveiller tout ce que tu manges. Exactement. Il faut faire attention aussi à la sensibilité à l'insuline, apparemment, pour les gens qui ont une sensibilité à ce niveau-là, les gens qui font du diabète. Tu sais, vraiment, consulter un nutritionniste, deux, consulter donc votre médecin aussi avant de vous lancer dans un régime tel que celui-ci. Évidemment, il y a des erreurs classiques qu'il ne faut pas commettre non plus en faisant ce jeûne-là. Alors, j'ai pour vous quelques idées de ne pas quoi commettre. Qu'on n'a pas dire qu'on n'a pas faire. C'est ça, exactement. Il ne faut pas croire au Père Noël, d'accord? Sérieusement, on connaît probablement tous quelqu'un qui serait content de perdre 3 kilos en moins d'un mois. Mais c'est pas un miracle non plus. Ben, c'est ça, exactement. Sans faire de sport, parce qu'à la base, on ne fait pas de sport en faisant ce régime alimentaire-là. Ça, c'est une variante. Les gens qui font du sport en même temps, c'est une petite variante ce principe-là. Exactement. Le jeûne intermittent, c'est une méthode efficace, mais il n'y a pas de miracle. Donc, vous n'allez pas subitement perdre 10 kilos en 15 jours parce que vous arrêtez les croissants au petit déjeuner. Là. C'est pas ça du tout. Là. On s'entend. Par la suite, il faut pas vraiment manger n'importe quoi, comme on le disait tout à l'heure. Avant de répondre à cette fameuse question-là, il faut faire le point sur votre alimentation. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire, à changer peut-être au niveau alimentaire pour justement arriver à un bon régime alimentaire avec celui-là? Qu'est-ce que vous allez ne pas manger lorsque vous allez jeûner, ou si des fois ça joue sur le mental. Donc si vous trouvez que vos nutriments sont peut-être pas merveilleux présentement, bien changez votre alimentation tout de suite. C'est sûr que dans un régime fasting comme ça, intermittent, on mange pas des hot dogs, là. Hein? On s'entend, on se comprend. Ouais. Trop de calories, par exemple, dans votre alimentation, ça va donner aussi plus de gras. C'est sûr et certain, c'est pas parce que vous allez jeûner que le gras va pas rester dans votre corps. C'est, t'sais, ça va avec, on s'entend. Il faut remplacer les burgers, par exemple, par du poulet. Les chips par des haricots rouges. Tu sais, vous allez voir, il y a une amélioration, il y a un changement adéquat à faire à votre alimentation. Ouais, ouais, ouais. Surtout si vous partez de zéro avec tout ça. C'est pas parce que vous mangez que vous devez rester immobile, hein. Il faut le savoir. Votre corps contient largement assez d'énergie pour vous garder vivant. Ça peut vous permettre d'accomplir des tâches, bien évidemment. Que ce soit de travailler, d'écrire, de jardiner, de tout simplement aller prendre une marche. C'est sûr qu'il faut rester actif à ce niveau-là. Votre journée va passer peut-être pas mal plus vite aussi. Et peut-être que ça va vous amener à mieux dormir. Si vous décidez d'aller, par exemple, faire une marche avant d'aller vous coucher, bien, votre jeûne va peut-être être moins douloureux à ce niveau-là, au niveau de vos organes à l'intérieur, dont votre estomac. Les gens abusent vraiment du café, OK? Ouais. on dit ça, là, parce que Mathieu et moi, les deux, on abuse de café. J'ai pas encore commencé, là, genre, je suis en manque. Mon jeûne de café ouais, va moi se terminer bientôt. On dirait que mon cerveau suive plus, là, mais souvent, les jeûneurs intermittents vont boire du café à la place du petit déjeuner. Mais ça veut pas dire qu'il faut en consommer un litre non plus avant d'aller s'habiller ou peu importe. Donc, une tasse de café ou deux, c'est une pratique classique. Je pense que tout le monde le fait quand même assez bien dans une journée. Ça aide à combattre la faim. Ça peut améliorer votre métabolisme. Mais le café, c'est pas un aliment. Non, ben non. OK? Et il faut pas remplacer les aliments par du café. C'est pas ça, le fameux jeûne intermittent. Et ne soyez pas trop optimiste, OK? Ne soyez pas naïf non plus. Forcément, si vous décidez de gravir l'Everest la même journée que vous allez commencer ce fameux petit régime-là, ça se peut que vous débouliez, OK? Ça se peut que vous échouez aussi. Donc, commencez tranquillement, en fait. Repoussez l'heure du petit déjeuner, remplacez vos deux premiers repas par un brunch, par exemple. Passez du petit déjeuner à déjeuner plus tôt aussi, peut-être. Et là, quand on parle de petit déjeuner, ici, c'est le déjeuner et le dîner, on s'entend. On vous recommande aussi d'essayer le protocole pendant plusieurs semaines, puis par la suite, voir si ça vous intéresse toujours. Parce qu'il y a des gens à qui ce type de régime-là ne fait pas. T'sais, peut-être que si vous mourrez après deux jours, là... Ben, pensez-y, là. Soyez progressif, mais constant. C'est là qu'on va voir un progrès, évidemment. Mais c'est sûr qu'on va voir aussi à quel point votre corps va s'habituer. En fait, faites-en pas trop non plus, OK? Essayez de comment je pourrais dire ça? Essayez de formuler votre jeûne intermittent par un jeûne peut-être... T'sais, elle est pas dans le jeûne permanent, là, mettons, okay. On s'entend. La plupart des bénéfices, en fait, du jeûne intermittent commencent à disparaître après une vingtaine d'heures. Donc, ça sert à rien de continuer à se priver. OK, OK. T'sais, ouais. Si vous dites, je me fixe une balise de 14 à 16 heures de jeûne, ouais. Poussez pas jusqu'à 20 heures. Non, parce que ça sert à rien. T'es rendu là, tu te dis, ah, crime, j'ai réussi à toffer 16 heures, je vais faire 20 heures, puis je vais perdre plus de poids. Exactement. C'est pas le meilleur moyen pour des gens qui ont déjà eu des problèmes alimentaires. Évidemment. On tient à le mentionner. Consultez une nutritionniste si jamais ça vous intéresse, vous avez eu des problèmes alimentaires, mais... Je vous le déconseille vraiment fortement. Et ne soyez pas obsédé aussi par les horaires, OK? Oui, on dit qu'on peut faire une balise de 14 à 16 heures. Encore une fois, poussez pas plus loin. Mais il faut que vous ayez du plaisir en faisant tout ça. Il faut pas que vous deveniez fou en vous disant que vous allez tomber un jeûneur intermittent. Ça facilite le mode de vie pour certains. Oui, ça rend certaines personnes plus libres de leur journée. OK, mais il faut pas devenir fou non plus sur l'horaire de fenêtre d'alimentation. Donc, il faut pas être stupide avec soi-même. Il faut se connaître avant de se lancer dans un régime de ce style-là. On parle d'un décalage de 20 minutes ou encore même d'une une heure. Ça va pas nuire à tous vos efforts que vous avez faits, mais le cortisol qui est généré par le stress que ça va vous faire, bien, ça peut faire mal. Ça peut changer quelque chose au niveau de votre estomac, encore une fois. Donc, il faut respecter les grandes lignes. Il faut arrêter de vous rendre dingue pour des détails. Là, en fait, c'est vraiment juste ça. Et la vie est belle, ça mérite d'être vécu. Alors, moi, je vous dis, mangez donc. Ben, c'est ça. Non, mais tu sais, si tu commences à faire ça, le jeûne... À un moment donné, tu vas te dire, OK, bon, j'ai 14-16 heures de libre, fait que je vais travailler plus. Ouais. Fait que là, tu vas virer fou parce que tu vas travailler tout le temps, puis tu vas manger jamais. C'est fou, hein? Ça peut aller loin. Il y a une autre sorte de diète qu'on entend beaucoup parler, surtout si on va au gym, c'est la méthode keto. Okay. La méthode keto, en fait, c'est vraiment en anglais, sinon en français, c'est la diète cétogène. Qu'est-ce que c'est? J'ai fait quelques recherches parce que j'ai entendu ça dans plusieurs vidéos d'entraînement, d'ailleurs, et j'étais comme... C'est quoi ça? C'est une diète qui est prescrite avec une alimentation qui va être riche en gras, mais restreint de façon considérable les glucides. Donc, comme les matières grasses deviennent quand même la première source d'énergie dans votre corps, il y a des corps cétoniques qui alimentent le cerveau. Ça peut réduire les symptômes de l'épilepsie pour certains, mais la diète est généralement considérée beaucoup plus efficace chez les enfants que chez les adultes, particulièrement lorsque les anticonvulsants sont inefficaces, voire quasiment contre-indiqués chez les enfants. Et il y a des données qui datent de 1920-1930 avec des recherches qui ont été faites beaucoup plus récemment qui démontrent les mêmes résultats chez un enfant, chez un adulte. Donc, on voit une amélioration à ce niveau-là. La diète, elle est beaucoup plus restrictive chez les adultes, il faut le savoir. Mais les aliments utilisés dans ce régime alimentaire-là, souvent, ça va être le beurre, la crème, la mayonnaise, l'huile de noix de coco, l'huile d'olive, l'huile d'avocat. Et les glucides vont être présents surtout dans le pain, dans les féculents, il faut que vous éliminiez ça. Là. Donc, vous allez éliminer le pain, vous allez éliminer les féculents. Même si, à première vue, ça semble quand même assez similaire, il y a quand même quelques différences qui sont notables avec d'autres régimes. La diète cétogène, ça a été utilisé autant pour les patients qui sont épileptiques que comme un régime à faible teneur en glucides. C'est vraiment ça qu'on veut aller chercher. On veut vraiment réduire le nombre de glucides de façon considérable. Et la diète cétogène, bien, c'est une réponse, en fait, au syndrome métabolique qui atteint les pays occidentaux, donc qui est l'obésité, le diabète, l'hypertension. C'est sûr et certain que si vous vous prêtez à ce type de régime-là, ça va réduire tout ça. C'est une prévention aussi contre de nombreuses maladies dégénératives. Mais la diète est généralement enrichie en calcium, en vitamine D, en fer et en acide folique. Donc, il faut absolument que vous regardiez les aliments qu'il y a dans ce que vous achetez, les ingrédients, qu'est-ce qui va être fort dans la valeur nutritive de ce que vous allez manger. Et parmi les raisons pour lesquelles ce régime-là n'a pas été adopté massivement par les médecins, bien, on parle en fait d'un manque d'études en double de cette façon-là vers le régime. On parle aussi d'une inquiétude face au respect de la diète par le patient. On ne sait pas trop si les gens qui s'y prêtent font vraiment bien ça, en fait. On a une inquiétude aussi quant au potentiel nutritionnel de ce régime-là. Et c'est quand même assez possible que les premiers anticonvulsants aient été statistiquement beaucoup plus efficaces pour les gens qui étaient atteints de diabète que pour les nouveaux patients, mais qu'ils aient fonctionné sur des groupes de population différentes. Donc, les recherches qui ont été faites sur ce beau petit régime-là sont pas encore assez concluantes pour les médecins pour qu'ils puissent se prononcer sur le sujet. Il y a un manque de connaissances, il y a un manque de diététique à ce niveau-là pour superviser cette fameuse diète-là. Donc, c'est un petit peu sur une ligne... C'est flou, on ne sait pas trop. Il y a des études aussi qui montrent les effets négatifs, bien évidemment. Donc, la résistance à l'insuline. On parle d'hyperlipémie aussi. Les calculs rénaux, faites attention. C'est pierre sur les reins, trucs. Exactement. Comme ça. La perte de poids, mais de façon vraiment très considérable. Et on parle aussi d'une diminution de la densité osseuse. Donc, on va ralentir la croissance chez les enfants, mais on va avoir une augmentation du risque de fracture. Donc, vous voyez à quel point c'est encore flou, mais c'est très, très, très populaire de plus en plus chez les gens qui, encore une fois, s'entraînent. Donc, c'est drôle parce qu'il y a un risque extrême de fracture vu la diminution de la masse osseuse. Il y a des commandements, en fait, qui sont importants face à ce régime-là. Donc, il ne faut pas oublier la base de la diète. Il faut manger 65 à 70 % de lipides, 25 à 30 % de protéines et 5 % de glucides. Ça, c'est la base 1 du régime. Par la suite, si vous vous sentez pas bien, c'est probablement que vous manquez de sel minéraux. On vous dit de boire beaucoup plus de bouillon, mais encore une fois, faites attention. Vous pouvez peut-être avoir des calculs rénaux. Ah bon? Hein? Si vous avez des doutes, si vous avez faim, on dit de manger beaucoup plus de gras. Vous ne devriez pas avoir faim avec le régime keto. Donc, tu sais, c'est un régime qui est un peu bizarre. Si vous avez mangé plus de 30 grammes de glucides, bien, restez calme et continuez votre diète. Bon! Tu sais, c'est... Pense-y pas. C'est quand même drôle, un petit peu. C'est sûr, on dit si vous perdez plus de poids, vous vous trouvez là, c'est stable, mais vous perdez des centimètres, vous êtes probablement en train de prendre du muscle, tout simplement. Okay. C'est sûr, en plus, si vous joignez cette diète-là à de l'entraînement, bien, ça se peut fortement. Si vous devez prendre, en fait, des suppléments de vitamines et des fibres et vous devez boire extrêmement beaucoup d'eau. Vous en avez besoin. Et gardez en tête que ce que vous voulez prôner, c'est les lipides et les protéines. Mm-hmm. Mais consultez un nutritionniste et un nutritionniste avant. Et vivez votre vie aussi. Et vivez votre vie, hein? Fait qu'écoutez pas ce qu'elle a dit. C'est ça. Mais je vous les ai présentés parce qu'ils sont vraiment très populaires. Oui, c'est bon à connaître. Vous allez probablement les voir sur les réseaux sociaux passer de plus en plus, surtout le jeûne intermittent. Ouais, ouais, ouais. Mais encore une fois, en tout cas, moi, je vais pas m'y prêter. Moi non plus. David Ferron, est-ce qu'il va s'y prêter à cette diète-là? Non, hein. Faut manger dans la vie. Faut être... Ben, pas juste ça. En fait... C'est sûr que oui, on a critiqué le guide alimentaire canadien, mais ça dit de manger 5 à 10 portions de fruits par jour. C'est ça. Ouais. Et normalement, parce que là, le premier régime dont Tania a parlé, ça disait que le matin, tu peux jeûner dans ce régime-là, ce qui est comme malsain, parce que normalement... C'est ce qu'on entend tout le temps, que ton corps va compenser pendant ce temps-là. Soit que tu manges 6 petits repos, soit que tu manges plus le matin, parce que durant la journée, justement, ton corps va éliminer tes calories. Il me semble qu'il manque un petit peu d'équilibre de bon sens là-dedans. Ouais. Je suis très d'accord avec les critiques de Tania. Parce que normalement, à chaque repas, tu devrais avoir ta portion de, mettons, pas de féculents, mais de fruits et légumes avec produits laitiers ou protéines, autres, soya ou lait de soya ou quoi que ce soit. Donc, ben c'est sûr que moi, je suis pas un bon élève pour ce genre de régime-là. Les trois ici, là, étant ceux qui participent le plus à une grosse pointe à l'adresse le jeudi matin, c'est pas pour nous ce genre de régime-là. Probablement qu'on serait vraiment pas bon avec une grosse pointe à l'adresse. On pourrait plus faire notre chronique s'il fallait qu'on jeûne le matin. Exactement. Hey, ça causerait des émeutes. Triste. Je peux pas commencer ma journée en ne déjeunant pas. Non. Hey, c'est impossible pour moi. Un petit quelque chose au moins. Ouais. Toi, je sais que tu déjeunes pas souvent. Maintenant, ça va mieux, sage. Ouais. T'as plus d'énergie aussi, je trouve. Peut-être. Ouais, bon, y a pas l'air sûr. T'as l'air d'avoir plus d'énergie. C'est ça. Je te trouve plus fringant aussi. Merci. Trop fin. Donc, merci Tania Bonin. Ça fait plaisir. Tania, je gagne un tous les matins à Assemblage Requis. David Ferron, justement, tu termines pour ta chronique. Qu'est-ce que tu nous présentes tantôt? Un petit peu de zone campus. Un petit peu, ok, oui. Oui, puis la musique, est-ce que j'en présentais tant que ça? Un petit peu, deux chansons, deux petites découvertes. Des ritournelles? Je sais pas, si ça va être plus costaud que les régimes que Tania a présentés. Ça va être de la muse. Oui, de la musique. De la grosse muse. Oh, voilà. Ça sera pas du heavy metal, quoi que ce soit, mais ça va être des petits coups de cœur. Cool. Ça va être simple. Génial. Dans la chronique de David Ferron. Hein? Pendant que mon ordi s'allume. Ben non, mais c'est un Mac qui va être ouvert dans 3 secondes. Oui. Il est déjà ouvert, je pense. Non? C'est quelle année? C'est un 2011. 2011? Oui. Il commence à être un petit peu vieux quand même. Ben, je l'ai acheté usagé puis il va super bien. Ouais. Il va mieux qu'un Windows dont ça fait 3 ans d'existence. Hey, un Windows de cette année même irait moins bien, ça. Non, il est très performant, mon ordinateur. Je fais Shazam puis il fait... Shazam! Oui! Ouais. Donc, la carte Beachy de David Ferron et un petit peu de zone campus sur retour. toujours dans l'émission matinale Assemblage requis, accompagné de Mathieu Plante. Et de Tania Baudin. Oh oui, il y a David Ferron aussi en studio avec oui, nous. Oui, David qui est là pour parler d'actualité, de ce qui se passe autour de nous. Oui. Hein, il n'y a pas d'infocampus cette semaine, donc on va comme le faire live quasiment. Pas mal ça. Ben oui, exactement. J'ai été négligent dans mon rôle de faire des infocampus. Ouais, ben c'est ça. Ouais, t'en as fait quoi, deux de suite? Ouais. Mais non, c'est la chronique. C'est mieux que rien. C'est mieux que rien. C'est mieux que la session d'automne, parce que j'en ai pas fait pantoute. C'est vrai. T'as raison là-dessus, c'est un bon point. Mais les dépêches, ça roule. Oui, ça roule sur le blog, hein. C'est incroyable. Ouf. Mais justement, parlons-en dans la chronique du journal Zone Campus. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, un journal qui frappe. David Ferron, qui est donc le chef de pupitre du journal Zone Campus. En fait, on peut dire dorénavant du média Zone Campus, parce que le blog roule pas mal plus que la version papier, n'est-ce pas? Mais la version papier, c'est qu'elle ne sort qu'une fois par mois. Mais par contre, on met des articles, des entrevues qu'on ne pourra jamais mettre dans le blog, ou que, bon, qu'on pourrait mettre dans le blog, mais que le journal permet d'explorer. On peut, en fait, les journalistes ont plus le temps d'explorer des sujets, tandis que pour le blog, c'est des sujets d'actualité vraiment fraîches. Plus rapide, c'est oui. Ça. Dans le journal, c'est des trucs de fond, un dossier sur le plagiat, des trucs comme ça. Des reportages pour voir ce que les patriotes pensent des patriotes. Ben oui, c'est ben le oui, fun. Ben oui, ça, c'est le fun. Oui, puis je sais pas si au badminton, comment ça s'est passé. Je me rappelle pas, j'ai pas tellement écouté la chronique de Marc-Olivier Dumas. Mais dans le sens qu'il y avait un athlète des Patriotes qui parlait pour le badminton, et ce qu'on comprend, c'est qu'il y avait une disparité, c'est que les athlètes avaient l'impression qu'il y avait une disparité de traitement entre les grosses équipes, si je peux dire ça comme ça, okay. C'est-à-dire le hockey, et les plus petites équipes, si je peux dire ça comme le badminton. Je sais pas c'est si... le hockey et les autres. Ben... OK, ce cœur qui est quand même assez gros aussi. Quand même. Mais on verra qu'est-ce qui arrive avec nos Patriotes tantôt. Mm-hmm. Ah, OK, plus tard, parce que là, pour l'instant, on parle pas de sport, c'est ça? On parle d'autre chose. On parle d'actualité. D'actualité! Ah, OK! Ben oui. Mais oui, je vais dans l'ordre dans le blog. Ah, c'est beau, ça. Donc, un petit gars ordonné. Ben, grâce au blog que t'as conçu, ça m'aide à être ordonné. Merci, en fait, parce que c'est pas son cerveau qui serait ordonné, hein, c'est ça? C'est le blog qui est ordonné. Le blog, c'est toi qui l'as créé. Merci, ouais, ben, tu sais, il est plus entre mes mains, fait que, tu sais. Mais je me sens. Je le laisse aller. Ben, je pense que j'essaie de bien l'entretenir. Ben oui, une chance que t'es là. C'est juste que je mets plein de gifs dedans dans les chroniques. Ça divertit le public? On essaye. Mm-hmm. Donc, on commence par quoi? On commence par le stage emploi. Qu'est-ce que c'est que le stage emploi? C'est une journée de carrière où ce que les gens qui sont intéressés vont voir des kiosques, sauf que ça concerne des secteurs assez particuliers, par exemple en informatique, en comptabilité, en ingénierie. Et cette année, ça a attiré 600 personnes. Oh, quand même! Avec 44 employeurs ou agents de stage, si on peut dire ça comme ça, parce que tu peux trouver un emploi, mais aussi un stage. Donc, on peut dire que c'est un succès et c'est organisé par le service à l'emploi de l'UQTR. Service d'aide à l'emploi. Ensuite, autre succès, c'est la journée porte ouverte qui aurait attiré, en fait, 1000, au moins 1100 personnes. OK. Autant des étudiants que des prospects, si je peux dire ça comme ça. Donc, une journée de session d'hiver qui a eu quand même beaucoup de succès. Donc, qui a moins de promotion nécessairement que durant l'automne, qui a moins fait de controversie, parce qu'on se rappelle qu'à l'automne, il y a eu une petite vidéo controversée. La controverse facile, hein, de nos jours. Pas eu le droit de rien faire. Hein? On essaie d'aller la voir sur YouTube, elle est encore là, je crois. C'est la publicité sur Ensemble. Non, c'est vrai. Elle a tellement été critiquée, mais hey, elle est encore sur YouTube. Ah ouais. Pas mal sûr, parce que je suis allé la voir après la controverse. Parlez-en bien, parlez-en mal. Mais parlez-en surtout. C'est la fille qui capotait, là, parce que je me rappelle même plus c'était quoi. C'était plein de petites scénettes, si on veut. C'était une future étudiante qui ne savait pas trop quoi faire. Ouais, fait qu'elle testait plein d'affaires, il me semble, c'est ça. Ouais. Je comprends pas pourquoi ça l'a fait une controverse. Moi non plus, j'ai essayé de comprendre. En fait, selon la controverse, c'est que d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'on présentait l'UQTA comme une espèce de stationnement pour les gens qui savaient pas trop quoi faire pour les étudiants qui étaient pas acceptés dans les autres universités, donc l'UQTA devenait comme une espèce d'université bouche-trou. Ouais, ça c'est une question d'interprétation, puis pour vrai il y a plein d'autres interprétations. C'est tellement quelque chose de méchant là. Et je clique dessus, elle est officiellement toujours sur internet. En fait, c'était sur Facebook. Et là je l'écoute là, fait qu'elle marche. Pas une controverse. Je vous mets le lien sur la page Facebook pour ceux que ça peut intéresser, c'est bon? Oui. On était en train de dire, donc? Donc, on était en train de parler des journées portes ouvertes hivernales qui ont eu lieu samedi dernier. Et ça, c'est une dépêche de Chloé Rousseau. Cool. Donc, Vincent Cheval, qui est un nouveau collègue. Vincent Cheval? Oui. Cool. Donc, Vincent Cheval... Que j'ai le mot à faire avec ça, pardon? Non, en fait, qui est un... je sais pas, en fait, parce qu'on n'était pas dans un cohorte, mais un collègue d'histoire, études québécoises, qui, lui, a fait le résumé d'un atelier MITAC. Et c'est concernant, en fait, une journée sur l'entrepreneuriat, comment bien se présenter devant les employeurs. Et c'était animé par Esther Pelcha, qui est une experte en conseils par rapport aux entreprises. Donc, c'était une journée organisée par l'UQTR et ça s'est tenu entre 9h et 17h. Oui. Donc, les gens qui ont assisté à la journée complète devraient être bien préparés en espérant qu'ils n'aient pas trop jeûné parce que ça demande quand même de la concentration ces journées-là. Oh, oh, oh. Et que je suis thématique. Tellement. Ensuite, il y a également le CA de la GEQTR qui a lieu dimanche, pas celui qui est arrivé, mais l'autre d'avant. Ça, c'est celui qui a eu à la chasse-galerie à la fin, c'est ça? Oui, exactement. Ouais. Donc, d'où le titre « La chasse est ouverte ». Ben voilà, hein. Jeu de mots. Oui, on a bien brainstormé, Marie et moi. Donc, qu'est-ce qui est arrivé à part de ça? Il y a un avocat, Maître Philippe Gabias, qui est venu apporter ses suggestions par rapport au règlement de la chasse-galerie, parce que la chasse-galerie est en train de devenir une compagnie numéro. Oui. Oui. Donc, il y a eu un avis juridique, c'est-à-dire qu'est-ce que M. Gabias suggérait dans la manière de gérer... en fait, la chasse-galerie, ce qu'il suggère, c'est que l'Assemblée générale des étudiants, donc, qui se réunit deux fois par année, donc l'Assemblée générale de l'Association générale des étudiants de l'Université à... Québec. C'est comme trop long. Dans le fond, je l'écris, mais c'est Association générale des étudiants de l'Université du Québec à Trois-Rivières, la GEQTR. À place de l'écrire à chaque début d'article, comme on fait qui est la règle dans Zone Campus, on devrait avoir un petit, dans le sommaire, genre, légende. Ouais. En GEQTR égale ça. Comme ça, tout le long du journal, tu le laisses aller avec juste en GEQTR. Ouais, ça serait plus simple, mais c'est de trouver une place. Ouais, c'est ça. Dans le blog, c'est pas évident parce que ça évolue tellement vite. Donc, dans l'entête du blog, genre. Donc... Zone Campus, le logo. Puis après ça, AGEQTR égale. Oui, puis si tu cliques au bout de 50 clics, la 51e personne gagne des billets pour aller voir un spectacle de son choix. Incroyable, incroyable. Ou un coach de vie. Un coach de vie amoureuse, non, comme Alex Perron. Hein. Ah, c'est truculent. Truculent. Bref, pour revenir à nos moutons, si je peux dire ça comme ça. Tu peux. Donc, durant le CA. Le CA, qu'est-ce que c'est? Que le CA, c'est le conseil d'administration de la GEQTR. C'est formé par qui? C'est formé par l'exécutif, le conseil exécutif de la GEQTR, mais aussi par une personne de chaque association qui, elle ou lui, va être élu comme représentant de la GEQTR au sein de son association. Ils vont pas tous nécessairement au CA. Hein? Non, ça dépend parce que c'est long. Ouais. Tu sais, ça finit très tard dans la nuit. C'est pour ça que Marie Pimon, on se split parce que après 4 heures de notes tétanées. Ouais, ça va. Je suis sérieusement le ou la secrétaire d'assemblée chapeau. Qui se tape tout ça, qui doit ensuite faire le résumé, le chapeau. Et il aussi... s'appelle pas chapeau, là. On a un cheval, mais pas de chapeau. Non, exactement. Et à coudre aussi, je pense. Et c'est des jokes de Monopoly. Ça. Ah, aller en prison. Je laisse aller le malaise après. Ouais, c'est ça, exact. On te laisse tout seul dans ton malaise. Aller en prison, Mathieu. Ben oui, ben oui. Ben oui. Mais non, on veut pas que t'ailles en prison. OK, next. Ouais. Donc, après ça, c'est en fait Marc-André Arsenault qui nous parle du carnaval. Kiro a encore gagné. Oh, oh ouais, hein? Donc, le doctorat des étudiants au doctorat en chiropratique. Ils sont forts et ils participent beaucoup. Oui, 5 ans d'affilée. Ouais. Et aussi, par contre, Kiro l'a pas eu facile durant une partie de la semaine parce qu'il y avait l'ASK, qui est en fait l'Association des étudiants en administration et en comptabilité, qui a quand même donné une bonne frousse. Oui, il est talonné pas mal. Oui, il y avait également Récréo, évidemment, Récréo qui sont impliqués. Oui. Donc, qui est en 3e position. Et là, cette année, il y a eu l'instauration... du champion de la championne du carnaval. Ah, OK. Oui, donc cette année, c'est... En fait, c'est Evelyne... en fait, je vais vous retrouver le nom de la personne. C'est Evelyne Sassy de l'Association des étudiants en psychoéducation qui est la championne du carnaval. Pour quelle raison? Donc, c'est En fait, quoi? Ben, plein d'épreuves, en fait, c'est un peu comme un survivor. C'est-à-dire que... Une personne qui est désignée comme le champion de l'association, de son association respective, doit faire des épreuves et au cours de la semaine, on élimine les champions et une seule ou un seul champion restera. OK, il y a comme plein de petits champions jusqu'à ce qu'on détermine le grand champion ultime. Exactement, d'accord. C'est un survivor de champions. C'est quand même cool. Oui. Donc, il y a ça. Et durant le carnaval, il y a les épreuves habituelles comme le bain de neige, il y a en fait une joke, une bière, mais aussi il y a eu une belle tempête de neige. Oui, ça, c'était pas, ça faisait pas partie du calendrier des épreuves, mais ça est devenu ça pas mal. Ben oui. Ce qui a fait en sorte que Dance Larry Dance n'a pas pu se déplacer. Non. Et ouais. A été remplacé par Hells Bells, qui est un groupe hommage à AC/DC. Oui, c'était le soir musical, c'était le mardi, je crois. Oui, exactement. Ouais. Et malheureusement, il paraîtrait qu'il n'y a eu qu'une quantaine de personnes à cause de la bulle température. Mais évidemment, et le Café Bailey's tous les matins qui devait avoir lieu sur la terrasse de la chasse-galerie n'a pas eu lieu aucun jour sur la terrasse. Finalement, tellement il y avait trop de froid et de tempête. Okay. Mais je pense qu'il était au 10-12. Oui, il était au 10-12 à la place. Ouais. Okay. C'était supposé être sur la terrasse. C'est une bonne chose. Ben, je pense que oui. Au mois de janvier, là, la terrasse, Ouais. Pas sûr. Ouais. Pas sûr. Bon, ça va s'en passer. Ouais. C'est pour ça que c'est important de bien manger. C'est ça. Pour résister au froid. Voilà. Il y a également aussi, de la part de Mary Labrousse, notre rédactrice en chef, un 5 à 7 de l'emploi étudiant. OK. Donc, c'est la JQTR qui a organisé ça et qui a invité, en fait, des organisations de l'UQTR, c'est-à-dire la COPSCO, Technosciences Morcy, qui travaille aussi à recruter des étudiants, qui n'est pas un organe de l'UQTR en tant que tel, mais qui collabore beaucoup avec l'UQTR. Il y a également aussi l'ASTRE, qui est le syndicat étudiant. Mm-hmm. Et il y a également aussi le service aux étudiants. Donc, tout ce beau monde-là et tous ces beaux organismes-là étaient là pour pouvoir offrir des informations sur l'emploi à l'UQTR. Ouais. Donc, est-ce qu'il y avait autre chose? Ça roule! Ça roule. Ça roule ma boule, comme on dit. C'est ça. Donc, il y avait également aussi un rassemblement national académique qui, cette année, avait le focus sur la santé psychologique des étudiants. Mm-hmm. Parce qu'on a parlé beaucoup des cas d'agression sexuelle ou d'harcèlement sexuel, mais la santé psychologique est importante aussi. C'est vrai. Et c'est pour ça que les associations étudiantes de partout au Québec sont venues en parler pendant une journée de temps. Mm-hmm. Mais par contre, le problème, évidemment, c'est qu'il y avait des associations qui n'ont pas pu venir à cause d'une tempête de neige. Ah. Mère Nature n'aime pas l'UQTR. Ben non. Enfin, je suis sûr que c'est elle qui a rencontré M. Daniel McMahon, le recteur qui a dit « Tu vas expulser tous les gens qui sont là après 23 heures. » Cheap shot, cheap shot. On salue Mère Nature si elle nous écoute. Oui, et M. McMahon. Oui, aussi. Mais il fait ce qu'il peut avec le budget qu'il a. C'est ça. Mais bon, en tout cas, bref, on s'en va dans un spectacle. Oui. On s'en va dans de quoi de beaucoup plus consensuel. Oui, de moins controversé. Consensuel, oui, dans le sens que ça fait plaisir à tout le monde. Oui, exactement. Okay. Qu'il n'y a pas de dissension grave ou majeure. Mm-hmm. Donc, la lutte est très dynamique. Oui, ben toujours. Notamment, la lutte ne fait pas que jouer à la chasse-galerie. Non? Ben non, elle joue un peu partout. Par exemple, à l'embuscade contre une équipe suisse. C'est vrai, match spécial, international. Oui, c'était du 3 contre 3 en plus. Ouais. Il paraîtrait que le style de l'équipe suisse, c'est-à-dire l'impro Riviera, en fait, le nom, je vous le retrouve très bientôt. En fait, il paraîtrait que le style d'improvisation de l'équipe suisse est très différente. Ah, OK. C'est-à-dire qu'eux, ils peuvent faire des pièces de théâtre d'1h30 improvisées. Ah oui, wow. Tandis que nous, c'est sûr qu'évidemment, c'est plus sur le punch, ouais, sur... les 3 minutes et moins. D'être expéditif. Mm-hmm. Et donc, la troupe suisse cesse, parce que le féminin de Suisse est suissesse. Ouais. C'est Impro Riviera Event. Cool. Donc, 3 personnes de l'équipe qui est venue. Et aussi, je pense que c'est une coopérative, si je me trompe pas. Ah oui. Donc, la Luître également, qui a pas pu jouer la semaine dernière à cause du carnaval. Ben oui, et qui il y avait un petit match le jeudi après-midi. Mais c'est un petit match de carnaval. Ben oui, c'était convivial. Ouais, c'est ça, convivial. Oui, donc la Luître, les couleurs du feu qui s'affrontent. Ouais. Parce que c'était les rouges et les oranges qui s'affrontaient. C'est vrai. Et... en fait, une grosse victoire de 10 à 5 pour les Rouges, qui était, paraîtrait-il, un petit peu foufou. Pas mal, c'est l'équipe de Gabriel Béhoud. Hein. Mais il paraîtrait qu'il y avait de l'excitation dans l'air. C'était pas mal le fun. Que Chasse-Galerie était tout feu, tout flamme. Ah, c'était plein bondé. Oh, c'est le fun, ça. La Luître a manqué. Ben oui. Donc, c'est pas mal. Est-ce qu'il y avait autre chose dans le spectacle? C'est pas mal ce qu'il y avait. Il y a également, en fait, le retour sur les spectacles du carnaval. Donc, celui du spectacle d'humour, qui était... Maxime Martin. Oui, également Alex Douville. Mm-hmm. Et pour le spectacle de chansons, je l'avais évoqué, c'était Hell's Bells avec Appetite for Democracy, qui est un groupe hommage à Guns N' Roses. Donc, c'était deux hommages, les deux spectacles. Oui, mais initialement, c'était Dance Lovely Dance qui devait être là également, mais qui a été remplacé à pied levé par Hell's Bells. Mm-hmm. Il y aura seulement le sport, donc. Oui! Qu'est-ce qui se passe en sport? Bien, on sait évidemment que chez les Patriots, il y a eu des petits problèmes. Mm-hmm. En fait, des petits problèmes, c'est qu'en fait, ils ont recruté un joueur qu'ils ne devaient pas engager. Ouais. Et là, ce qui fait en sorte que les Patriots ont dégringolé dans le classement. Mm-hmm. Parce qu'ils ont eu comme des pénalités de match. Des matchs qui ont été pas annulés, mais mis en défaite rétroactivement. Oui, exactement. Ce qui fait en sorte que la place aux séries, qui était hyper assurée... est compromise. Oui, exactement. Surtout que là, dimanche, c'était une défaite. Ouais. Donc là, il ne faut pas qu'il y ait trop de défaites. Mmh. Donc, c'est à voir dans les prochaines semaines, parce que les séries commencent le mois prochain. Vrai. Donc, une défaite contre les GGs d'Ottawa, de l'Université d'Ottawa. Au soccer, le début de saison des matchs intérieurs, ça se passe pas très bien. Mmh. En fait, les deux équipes, parce qu'il y a toujours une équipe féminine et masculine... pour le soccer, eh bien, défaite de chacun de leur côté. Ah. Ce qui fait en sorte que l'équipe féminine, si je ne me trompe pas, est dernière au classement. Mm. Et masculine non plus n'est pas dans le top 5. Si je revérifie les 7 pour être sûr, mais c'est pas des gros classements. C'est sûr que aussi du côté des hommes, on a changé d'entraîneur aussi il y a peu. Donc c'est ça, peut-être les réajustements et tout aussi. Ouais. On va voir. Peut-être que ça va aller mieux. Mm-hmm. On le souhaite. Cheerleading. Il y a 5 équipes de cheerleading dans le circuit québécois du RSEQ, Réseau du sport étudiant du Québec, du haut niveau universitaire. Et cheerleading s'est classé 4e sur 5e pour une 2e compétition d'affilée, donc ce qui fait en sorte qu'elle se retrouve en 4e position du classement général. Et il y a 4 équipes qui vont en finale de quelque chose à quelque part, non? C'est en fait qu'il n'y a pas nécessairement de finale en tant que telle, c'est cumulatif. Okay. Et si je ne me trompe pas, l'année dernière, l'équipe s'était retrouvée en 3e position. Ouais. Là, cette année, ça va parce qu'il y a quand même plein de recrues aussi. Il y a eu des problèmes aussi de santé chez certains membres. Par contre, on a noté l'attitude possible de certains et certaines membres. Mm-hmm. Et ce qui a permis à la recrue, d'une recrue qui s'est beaucoup démarquée. Et il s'agit d'Andréane Dupont, une recrue en ergothérapie qui a été élue athlète féminine de la semaine chez les Patriotes. Donc, be positive et tout va bien se passer. Oui, ben, j'ai l'air moqueur en disant ça, mais c'est sûr que cheerleading aussi, tout peut arriver. Ça peut être une petite affaire qui fait en sorte que tu perds beaucoup de points, ou ça peut être très serré dans le pointage aussi, ce qui fait en sorte qu'une troisième position peut devenir si vite une quatrième position à cause d'un petit détail. Ouais. Donc, on ne sait jamais, il reste d'autres compétitions, donc ça se peut que cheerleading, UTR puisse se relever. Mm-hmm. Ben, relever, ils sont pas si à tort que ça. Non, mais ça dépend, des fois, ils sont à 4 pattes. Oui, pour la chorégraphie. C'est important à spécifier. C'est ça. Mathieu! Ben là, franchement, c'est important à spécifier. Mathieu! C'est assez clair comme référence. Ben oui! C'est du cheerleading, c'est sûr qu'ils sont à 4 pattes. Oui. Puis c'est quand même... tu sais, on dit que cheerleading, c'est un... sport qui est pas vraiment un sport. Tu sais, plein de préjugés, mais au contraire, cheerleading, faut que tu sois en forme, faut que tu sois souple. Oui. Je veux dire, les gars qui sont là, je m'excuse, mais c'est des armoires à glace. Ouais. Quasiment, ou des gars très âgés, les filles aussi, c'est des filles fortes, là. Ouais. Pour vrai. On le sait. Pour vrai. Donc, cross-country, parce que même si les... En fait, change de sport, cross-country, même si la saison officielle est terminée, les athlètes gardent la forme quand même. Comment ils font avec la glace partout? Pas chouette. Ben, il y a des tournois... Des ben, oui, mais même à ça... En fait, c'était le McGill Team Challenge qui a lieu en fin de semaine. C'est intérieur. Et c'est sûr que là, ils courent pas nécessairement des 8 ou des 10 kilomètres. Mm-hmm. C'est des courtes distances. La plus longue, je pense, c'est 3 kilomètres. Et là, il y a eu 8 athlètes de la délégation de cross-country des Patriotes qui sont allés là en fin de semaine. Et il y a quand même eu des beaux résultats. Et il paraîtrait que presque tout le monde, sinon tout le monde, a dépassé leurs résultats les plus forts. Ah oui? Oui. Battu leur propre record. Oui, exactement. Donc, il y a quand même beaucoup d'espoir là-dedans. Puis c'est quand même des équipes assez fortes. Donc, L'équipe de cross-country peut être fière d'elle. Ben oui. Ben oui. C'est fun à dire, ça, avec les Patriotes, quand même. Oui. Quand ils ont beaucoup de succès comme ça. Ben oui, puis une petite vague de nostalgie, évidemment, quand je parle du cross-country. Oui, il est ben une oui, ancienne hein. star. Non, je dirais pas là, non. Non, participant. Non. T'étais ben, là. Membre de l'équipe. C'est ça. Bon, on peut dire parce que j'étais dans la première mouture, donc c'est sûr que là, aujourd'hui, j'essaierais d'être dans l'équipe. Ouais. Ça marcherait pas. Là. Non. Ça marcherait pas. Ça courrait. Ben, tu sais, mettons, dans le temps, je faisais 5 km, ça me prenait à peu près, mettons, 20 minutes. Mm-hmm. Maintenant, c'est plus un temps acceptable pour non, l'équipe, je pense. Non, vraiment pas. Ils sont plus. Rendus à un autre stade. Oui, ça a beaucoup progressé mm-hmm. en quelques années. Donc, c'est pas mal tout pour le Zone Campus. Ça en passe des choses. Ça, c'est juste ce qui a eu lieu depuis la dernière fois qu'on s'est parlé pour le Zone Campus. Mais ouais. C'est sur le blog zonecampus.ca. Le prochain journal papier sort la semaine prochaine. Oui, ça, c'est ma semaine de... Pas de vacances, mais ma semaine relax. Oui, c'est ça. Oui. Pendant que Marie et toi, vous travaillez comme des fous sur le journal, moi, je suis comme un petit peu plus peinard. Peinard, ouais. Tandis que quand le journal sort, là, c'est... L'enfer. C'est ça. Mais c'est bien. C'est bien réparti comme ça, mais... En tant que chef de pupitre, je pose, c'est ça, c'est bien, je reste occupé. Oui, ben c'est le fun, hein? Zone Campus bien actif. Mm-hmm, donc, zonecampus.ca, page Facebook Zone Campus, et puis journal papier mardi prochain. Merci David Ferron. Ben ça fait plaisir. Tu restes avec nous pour la chronique de la carte bleachée dans quelques instants. Ben oui. C'est bien ça? Oui, un tout petit peu. Un petit peu. Ben oui, on aime ça. Ben oui. Mais pour l'instant, on s'écoute quelques messages de nos partenaires fidèles. Vous êtes assez fou. Pour l'écouter. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. À sondage le qui. Pour toi aujourd'hui. À sondage le qui. Des choses Oui, j'apprends la patience et le sens des choses. C'est qu'un jour enfin il suffit de voir que moi aussi j'ai su croire qu'un jour enfin il suffit de voir que moi aussi j'ai dû pouvoir. Allô Monde avec la pièce du pouvoir, version alternative en anglais et en français. C'est nouveau sur le palmarès francophone. La version, c'est une pièce qu'on aime beaucoup quand oui, même. Hein? La vraie pièce seulement en français, ça date du mois de mai 2017, mais ça oui. est quand même assez... Elle a changé pas mal. Donc, c'est toujours Assemblage requis. Avant de passer à la deuxième collègue de David Ferron, la carte bleachée, placotons un petit peu de l'émission de demain. Oui, certainement, parce que je pense que ça vaut la peine qu'on le mentionne. Ouais. Demain, on va s'entretenir avec un porte-parole ou une porte-parole plutôt du défi 28 jours. Mm-hmm. Vous le savez, ça commence dès demain. Donc, on s'est dit la première journée du défi. One on bam. Fait ça, là. Boom! On remet pas ça plus tard. Exactement. Donc, on va avoir une entrevue avec Eliane Gagnon, qui est aussi la jeune actrice qui a créé Sober Lab. Mm-hmm. Donc, on va avoir une discussion avec elle sur le défi. Et on vous le rappelle aussi, vous pouvez très bien participer à ce défi. En fait, je vous lance un peu le même défi que tout le monde. Ouais. Seriez-vous capable de pas boire pendant 28 jours, messieurs? D'après moi, oui, parce que sérieusement... Toi, on a déjà dit qu'on allait le faire. Ouais, ben oui. Mais tu sais, j'achète... David, il boit pas jamais, lui. Je sais pas, David, bois-tu? Très, très occasionnellement, je dirais que je suis un buveur social. Ah, ouais. C'est ça. Mettons que je ramène une bouteille de vin chez nous. Moi, mon problème, c'est que je suis trop social. Trop social. T'as trop d'amis. Avec ça, surtout que les jeux de communication arrivent. Eh oui. Boy, hein? Ça trinque un petit peu. Ouais, ça se cache les dimanches pour travailler fort. Oh. Ouais, ouais, ben on boit pas là, les dimanches. Okay, ben non, je fais des blagues. Mais tout ça pour dire que... vive l'alcool, je sais pas. Oui, vive l'alcool. C'est une belle morale. Mais pas pendant le mois de février. Hein? Scraper le concept ouais, de Tania. C'est ça, pas pendant le mois de février. T'écouteras l'entrevue demain. Parce que juste 28 jours dans février, c'est facile. Ben, c'est pour ça. Mais ça. David est un gars qui s'entraîne quand même beaucoup, ouais. On le sait, crossfit. Pas autant qu'avant. Pas autant qu'avant. Non, là... Là, on fait plus de crossfit. Non. Je me laisse aller, là. Ah, mais c'est quelque chose qui, souvent, quand on commence à pas mal s'entraîner, on laisse de côté un peu l'alcool. Un petit peu, hein. Ouais. Donc, on va en parler avec elle demain oui. par téléphone. Exactement. Malheureusement, par téléphone. Qu'est-ce que tu veux? Ben oui. À quelle heure? Demain, 7h puis 10h. C'est ça, exactement. Manquez pas ça. 7h, 10h demain? Oui. Assemblage Rick. Comme tous les jours. Oui. Je dirais. Donc, avant de passer, comme je disais, à la chronique La Carte Beachée, David va nous faire découvrir un petit peu de musique. Mais avant ça, nous aussi, on a découvert de la musique cette semaine quand on a reçu Marc Gagné. Oui, Hibou, Hibou. Hibou, Hibou. Oh voici la chanson Couleur néfaste. Assemblage requis. Je ne sais pas que couleur néfaste de Hibou Hibou. Mm-hmm. Ah, c'est excellent. Mais hein, c'est bon. Je sais pas comment ça, on connaissait pas ça avant, Mathieu. Ah, on était des ignorants. C'est ça, mais tout maintenant, à fait. On est au courant. Clairement. Hibou Hibou avec Marc Gagné qu'on a reçu à l'émission plus tôt cette semaine. Maintenant, c'est le moment de recevoir de nouveau David Ferron avec sa carte bleachée. Ah ouais, David Ferron qui est avec nous pour la carte Beachy, sa petite chronique musicale, des fois à saveur mondiale, dépendant du moment, mais ça c'est découverte. Salut! Du moment. Salut David Ferron. Ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé. Vraiment, t'as l'air confortable sur ta chaise. Oui, c'est vrai, comme tel un ado qui ne sait pas qu'il va avoir des problèmes de scoliose quand il sera plus grand. Écoute, j'osais pas le dire là, mais... Assieds-toi droite, assieds-toi droite. Imposture! Oui. Ouais, espèce d'imposture. Surtout en studio radiophonique, c'est important. Surtout avec des chaises aussi qu'on vend. Ouais. Hein? Donc, David, on va découvrir de la musique ensemble encore aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce qu'on va découvrir? Est-ce que tu as une thématique, quelque chose? Ben, pas vraiment. Peut-être, en fait, l'évasion difficile. L'évasion difficile. Ouh. Ça, c'est la version française de Prison Break, je pense. Ah, j'avais pas pensé à ça. Ouais. Appelons ça comme ça, Prison Break. Ouais, ben oui. Parce que les chansons parlent de chansons d'amour, mais difficiles. Oh. Hey, j'aime ça être déprimé. Ben, ouais, hein, voyons. Parce que les nappes sonores sont les meilleures dans ce temps-là. C'est plate à dire. Les nappes sonores, c'est un terme fancy, ça? Musique. OK, OK. Pour plage dire... musicale. Oui, exactement. On dirait Catherine Perrin. Tu fais ton snob à matin. Oui, mais là, il manque de transsexuels. De quoi tu parles? Mais c'est parce que dans l'émission La soirée est encore jeune, okay. Il rit tout le temps de mes hommes larges parce qu'il reçoit souvent des transsexuels. Mais là, c'est pas cool comme joke, ça. Mais non, mais c'est une référence à La soirée est encore jeune. Non, je comprends, mais dans le sens que La soirée est encore jeune, il me semble qu'il pourrait faire un petit peu d'humour un petit peu plus haut de gamme que ça. Non? Mais c'est parce que ça manque avec de contexte. Taxes. Mais ça manque, manque ça de contexte. Mais en effet, mes hommes larges, c'est... Mettons que c'est le sujet matin... De société. Oui, exactement. C'est sûr que oui, c'est à Radio-Canada, mais quand vous avez fini d'écouter « Sondage requis », ben à 10h, vous sautez sur Medium Large. Si la sécheuse, par exemple... Ah oui, si la sécheuse ne vous offre pas la musique que vous désirez. Oui, donc, mais c'est ça, il y a comme plein de débats et d'ouverture par rapport à plein de questions, justement, parce que Medium Large, c'est un pionnier sur les questions transsexuelles, d'une certaine manière. Absolument. Parce que on en parle beaucoup. Et là, tu parles de transsexuel, on parle de transgenre. De transgenre principalement. Aussi. Donc, il y a une différence entre transgenre et transsexuel. C'est important. Ça. C'est important de le dire, même si la soirée est encore jeune, j'imagine, ils ne font pas la différence entre les deux. Hein? Ah, ben, ils font les. Sûrement. Est-ce qu'ils rient aussi de leur trans. Des transgenres, non? Non. Ben, ils rient de tout le monde. Ils rient ouais, surtout mais d'eux. C'est pas une excuse, ça, là. Mais ils rient surtout d'eux autres. Okay. Ces derniers temps, ils se riaient beaucoup comme toi, tu le fais envers moi, là. Ah, oui, bon. Okay. Tu vois, est-ce qu'ils rient de toi, eux autres aussi? Non. Non, ils me connaissent pas. Ah, dommage. Ben, écoute, je devrais te connaître, parce que moi, je suis content de te connaître quand même. Ben, merci. Sinon, qu'est-ce que je ferais comme humour? Ben, écoute, j'ai déjà... ouais, c'est vrai. Ouais. Tu serais rien sans moi, dans c'est le fond. C'est vrai, ben, tu m'as créé, dans le fond. Ouais, c'est exactement. Ça. C'est ta faute. Ouais. Mmh. Qu'est-ce que tu ferais sans moi, Mathieu? Je sais pas. Tu ferais dur en... Ben, ça. Bon. Je fais déjà dur. Ben, une chance que Tania est là pour monter le niveau. Ça, c'est... Hey, hein, merci les gars. Ouais. Bon, assez de lichage. Musique? Musique, on va écouter d'abord du Zola Jesus avec la pièce Sauk. OK. Et c'est une pièce assez... si on écoute les paroles, c'est assez déprimant. Mm-hmm. Parce que ça parle en fait de quelqu'un qui se sent impuissant par rapport à son amoureux ou son amoureuse. C'est pas précisé dans la chanson. Mais... L'album qui accompagne justement Soak, qui est une découverte de l'année dernière, j'étais un petit peu en retard par rapport à ça, c'est vraiment une ambiance très marquée. Ça a l'air stéréotypé ce que je dis, ça a l'air d'être un cliché en disant ça, mais Zola Jesus, ce que j'aime avec elle, c'est que qu'on aime ou pas, c'est de la dark pop, si je peux dire ça comme ça. Ok, de la dark pop, c'est rare qu'on entend ça parce que pop, pour moi, ça fait positif, hop la vie, petit refrain facile à chanter. Oh. Mais dark pop, c'est quoi? C'est des refrains faciles à chanter, mais sur une note grave, genre pop. Non, ben, je dirais que c'est pas du jazz. C'est en fait, c'est sûr que c'est très synthétique comme musique, mais c'est travaillé, c'est fouillé, c'est. En fait, Zola Jesus, qui a seulement 27 ans, moi, je pensais qu'elle avait comme 40 ans. Parce qu'elle a du soul dans sa voix, ça. Ben oui, pas juste ça, puis je pensais qu'elle avait un plus gros parcours, mais elle a juste commencé en 2011, la petite peinarde. La petite peinarde? Ouais. OK. La petite tabarnouche. Ouais, ouais. Hey, Donc, en fait, la tune qu'on va entendre, c'est Soak, et c'est tiré de son dernier album Okovi qui est sorti l'année dernière. Bon, on écoute ça tout de suite, hein? C'est bon, oui. Ça? Ça te va? À la carte bleachée de David Ferron. Vous êtes à l'assemblage requis. c'était Blindfold du groupe britannique Morcheeba, chanson qui est tirée de l'album Big Calm qui fête ses 20 ans cette année. Ouh, ça ne rajeunit pas. Hein? Oui, parce que dans le temps des fêtes, je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé, mais j'ai eu une crise de nostalgie 90s. C'est l'âge. Oui, puis j'ai quand même fait une playlist années 90. Ah, intéressant. Oui, de tunes alternatives. Sur Spotify, Apple Music? Non, Apple Music. Apple Music, bien sûr. Bien oui, sûr. Quand ça fait des années que tu te fais des playlists sur iTunes, c'est le plus pratique. Ben, j'avoue, ils sont déjà faits. Surtout que quand t'es étudiant, c'est 5$ par mois. J'avoue, ça, c'est le fun, parce que pour vrai, je trouve que 10$, c'est très très cher pour juste de la musique. Ben, quoi que... c'est le même prix que Netflix, là, t'sais. Ben, c'est vrai? Ouais, quoi que c'est toujours moins cher que d'acheter des albums. Ça, c'est sûr, sauf que tu les possèdes pas, tes albums, par contre. Ça dépend où? Ouais. Ouais, ça dépend où. Ah, c'est sûr. 2 pour 10? Oh! Oh! Je sais pas, un jour, j'embarquerai peut-être, mais pour l'instant, Spotify me satisfait, puis iTunes. Bref, on a entendu l'autre pièce qu'on avait entendue avant, oui, on le rappelle. Soak, oui, de Zola Jesus. Mm-hmm. C'est une chanson qui fait partie de l'album Okovi qui est sorti l'an dernier. Voilà. C'est toujours la carte bleachée de David Ferron qui nous fait découvrir de la musique, comme toujours. Il nous reste une dernière pièce à entendre. Oui, Planante. Ah, Planante. Oui. Okay. On va planer, ça va être un peu plus léger. OK. Donc, ça va être la pièce Nana. Nana. De Polo et Pan, qui est un groupe français. OK. Et c'est vraiment entraînant. Et pourquoi Medium Large? C'est que justement, il y a l'intro de cette chanson-là qui joue tout le temps à Medium Large. Ah, c'était pour ça ta référence à Medium Large tantôt. Oui, c'est pour ça. Okay. C'est ça, je l'ai dit. C'était pas clair encore. Hein? Non, c'est ça, parce que là, j'ai comme fait une joke qui est tombée à plat. Ouais, mais non, mais c'était correct. C'était le fun. Ouais, non, pas vrai. Oui, avec le recul. Ça nous a créé un bon moment, David. Sois pas si sévère. Donc, tu dis, c'est une intro d'une chronique ou de l'émission en tant que telle? Non, c'est... un retour mettons, de pause. Entre deux interventions. Okay, oui, oui, d'accord. Une transition. Oui, exactement. C'est bon, ça. Et c'est entêtant. Entêtant, ben tiens, peut-être qu'on va l'avoir dans la tête pour le reste de la journée. Donc, voici Polo et Pan avec Nana. Thank you. c'était Nana de Polo et Pan. C'est bon, ça? Oui. Ouais. Sérieusement, l'intro rentre dans la tête, je trouve. Faudrait écouter Radio-Canada, mais on est en onde. Mais oui, en effet, juste après Assemblage Requis. Oui, c'est ça, parce que ça continue. Hein. Ça commence à 9h jusqu'à 11h30. De 9h à 10h, c'est pas important. Là. Non, c'est ça. C'est pas important. Écoutez Assemblage Requis à la place. Et on dit ça juste parce qu'il y a une intro avec cette chanson-là dans Medium Large. Pour ceux qui comprennent pas, parce qu'ils suivent pas, ça se peut. Hein, on fait des référents des fois plus tôt dans l'émission. Donc, on a entendu découvert trois pièces avec toi, David Ferron. C'est vraiment le fun de t'avoir pour cette chronique-là et pour le Zone Campus aussi. Donc, on va te retrouver toutes les semaines, toujours les mercredis matin à 9h. Un petit peu de Zone Campus, un petit peu de Carl Bleacher, dépendant du moment. C'est sûr, comme là, je m'attendais pas à ce que mon Zone Campus soit aussi musclé. C'était quand même une grosse chronique, parce que ça faisait un petit bout qu'on s'était pas vu. C'est passé bien les choses. Ben, mais pourtant, j'étais pas là la semaine dernière. Je croyais que j'étais là la semaine dernière. Non. Honnêtement, c'est difficile de se rappeler qui n'est pas là parce que c'est fréquent. Quand même. C'est comme très rotatif. C'est une mission rotative, exactement. C'est comme un petit poulet, ça broche, tu sais. Rotation requise. C'est on t'écoute aussi à l'Aube Trotter les mercredis soirs à partir de 19h. Oui, puis parfois aussi, je fais des petits coucous à Écoute donc ça, qui est l'émission d'avant. Oui, même que des fois, Écoute donc.ca défonce de 20 minutes puis 13-40 minutes d'émission. Ça arrive aussi. C'est correct. C'est correct. C'est comme une seule émission, sauf que quand c'est rediffusé, c'est difficile à découvrir. Ouais, j'avoue, mais moi, dans ce temps-là, ça passe le temps plus vite, puis c'est ça, je parlais du dernier album de Galaxy, que j'ai pu écouter en primaire parce qu'il est disponible sur Ici Musique. Oui! Je plug encore Radio-Canada. Ouais, t'as l'air un petit peu vendu. Ouais, c'est horrible. Mais Galaxy, que moi, personnellement, j'ai bien aimé. Oui, ben ça ressemble à du Galaxy. Oui, c'est sûr. C'est sûr. C'est ce qu'on a dit. Donc voilà, c'est ce qu'on disait, l'Aube Trotter, mercredi soir. Oui. Écoute donc.ca juste avant, à partir de 18h. David Ferron, merci. Ben merci à vous deux. À la semaine prochaine. Bye bye. Bye. Sauf s'il y a de la bonne bouffe demain. On attend que tu viennes. Parce que tu dis que tu vas venir, mais tu viens jamais. Tu viens jamais. Ouais, c'est vraiment un manque de temps, malheureusement. Honte à toi. Ouais, une grosse fois t'adresse les jeudis matin. Donc, au retour de la pause, il nous reste une petite 15-20 de minutes. Donc, on va se remplir ça avec quelque chose probablement de bien intéressant. Hein? Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on ferait sinon? Hein? On sait bien pas. C'était ça. dirait jamais que je sais où il faut que je rentre dans cette toune-là. Ah oui. C'était phénoménal, The Galaxy. Et c'était bon, ça. Et yeah. Ça toujours... sonne comme du Galaxy. Ben vraiment, mais du bon Galaxy. Hein, ben oui, c'est ça, exact. Il faut pas dire que c'est pas bon. Là. C'est on ça. Dit pas que c'est pas bon. C'est comme... C'est, on... Ils ont leur touche. Ils ont leur touche. Tu sais, comme dans un quiz musical, mettons, on joue un extrait de Radio-Radio, puis tu sais pas que c'est Radio-Radio. C'est ça. C'est parce que c'est du Radio-Radio. C'est comme du Galaxy. C'est du Galaxy. C'est comme du Dead O'Bees. Oui, ça sonne Dead O'Bees. Ça sonne Dead O'Bees. Tu peux pas vraiment te tromper si tu connais un minimum la musique. Exact. T'as bien raison. Ah, désespoir. Donc maintenant, c'est le moment de s'acheter des choses sur Internet, mais juste un petit peu. Pas trop. Pas trop, pas trop. C'est sexe, mais ça ne devrait pas là. Mais ça ne devrait pas. On l'a, la chronique, on achète des choses sur Internet et on le regrette instantanément. Le Super Bowl s'en vient. Mm-hmm. J'entends dire que c'est dans les prochains jours. Hein? Et nous voici avec un superbe sac banane et pour le Super Bowl, avec des compartiments pour les croustilles, la trempette et la bière. Ah! Hein, c'est le No Fumble. Ça, on aime ça. Le No Fumble Fanny Pack, développé par une marque de trompette qui s'appelle Hell of a Good. Donc, compartiment, comme je disais, pour les croustilles, pour la trompette et pour un breuvage froid. Il y a aussi des bretelles, bien sûr, pour soutenir le tout, quand même. Sinon, comment tu veux tenir ça ben sur ouais. toi? Hein? C'est disponible, vous pouvez l'acheter sur assemblagerequis.com si ça vous intéresse. Le lien est là. C'est vraiment comme un. Ben, c'est pas vraiment un sac banane, c'est plus comme une ceinture. Ils appellent ça un Fanny Pack, là. Mais pour vrai, c'est, ça entoure la taille et ça tombe sur les côtés. C'est un peu comme un sac banane, mais pas. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de poche en avant. Non, c'est ça. C'est pas un sac banane, c'est pas de poche en avant. En tout cas. Bref, Hell of a Good, H-E-L-U-V-A, Good. Toujours autour de la taille maintenant, tiens, c'est des protèges taille et des protèges hanches, en fait, pour les personnes âgées. Okay. C'est comme des sacs gonflables pour tes côtés. Ça s'appelle le Elite Hip Air. Comme hip, comme les hanches. Hein? Mm-hmm. Air comme de l'air. Hein? Donc, c'est un sac gonflable qui va se gonfler lors d'une chute pour protéger hein, vos grands-parents de se briser la hanche. C'est quand même pas pire comme idée. Hein? Vous pouvez aller voir la vidéo de démonstration de comment le sac gonflable se gonfle. Et puis, c'est ça. C'est possible de se le procurer. Hein? Je sais pas si tu vas pouvoir passer dans le cadre de porte avec ça une fois ouvert, mais bon. Hein? Pour ça, il faudrait que tu sois tombé et en plus que tu puisses passer à travers une porte, ce qui risque pas d'arriver bien. Hein? Donc, protégez vos hanches avec le Elite Hip Air. Ensuite, arrêtez de ronfler et surveillez votre sommeil en même temps grâce à un oreiller intelligent. Mmh, oh, que oui. Ça, c'est le fun. Le Center for Disease Control américain nous dit que seulement 66% des adultes américains ont autant de sommeil qu'ils devraient. Ah, donc, si vous passez votre temps à vous retourner dans votre lit, peut-être que vous pourriez vous acheter cet accessoire-là. C'est le Zeek Smart Pillow, Z-E-E-Q Smart Pillow, qui améliore oui, votre horaire de sommeil d'une multitude de façons. Après un Kickstarter à succès en 2016, le produit est maintenant en vente, est prêt à vous aider à dormir. Donc, si vous êtes du genre à ronfler, l'oreiller a un microphone qui est fait pour écouter les sons de vos ronflements et de vibrer ensuite tout doucement pour que vous puissiez changer votre position. En fait, ça fait ça quand tu sens la vibration, ça te donne envie de changer de position. Il y a des accéléromètres dans l'oreiller qui vous permettent donc de surveiller votre qualité de sommeil quand vous bougez la nuit. Ça enregistre vos différentes phases de sommeil. Et ensuite, on peut brancher l'oreiller sur son Amazon Echo ou Google Home pour avoir un assistant personnel pour vous lire votre analyse de sommeil directement le lendemain matin. Ben oui! Voilà, donc le Zeek Smart Pillow Z-E-E-Q. Ensuite, on reste dans le lit, mais en voyage avec des couvertures, des draps jetables. OK. Ouais, donc biodegradable bedding, biodégradable et bien sûr laundry-free linens, donc des draps sans lavage. C'est par Beantown Bedding. Pour ceux qui n'aiment pas les couvertures ou les choses qu'on fournit à l'hôtel, par exemple, si vous êtes dans un bel hôtel, mais vous savez que tout le monde a juté dedans. Ah, oh. Mathieu. Donc, Beantown, laundry-free sheets qu'on peut utiliser en hôtel ou peut-être même en faisant du camping, peut-être dans votre dortoir, si vous êtes dans une école privée avec votre chambre louée, etc., etc. Donc, c'est parfait pour être utilisé pendant plusieurs semaines, plusieurs jours sinon. Quand vous changez de lit ou que vous passez à votre prochaine destination, vous avez qu'à jeter vos draps qui sont biodégradables et même compostables. C'est fait à 30% de Tencel, 70% de Lenzing viscose et puis c'est résistant aux bactéries, à la moisissure et aux poussières ou aux petites comment on appelle ça les microbes de lit là, dust mites, là, comment on appelle ça, les poussières, là, les bubites dans la poussière, bref. Hein, c'est ça. Ça les rend hypoallergènes. C'est des tics, genre, ou... Non, c'est pas ça, non, c'est des... voyons donc. Des puces? Mon oreiller est rempli de... D'acariens. D'acariens, voilà. Hey, c'est comme un genre d'atome crochu, notre affaire. Hein? Mon oreiller est rempli de... Acariens. C'est ça. Donc, c'est hypoallergène. La description dit que c'est un genre de blanc naturel, donc sûrement un blanc cassé un petit peu, sans produits chimiques, sans teinture, sans odeur, absolument rien dedans. Donc, c'est parfait pour tout le monde qui est sensible. Un emballage, donc, de deux tels oreillers pour 10$. Et puis, sinon, il y a les draps pour les lits normaux, jumeaux, complets, queen, king, peu importe comme vous voulez, pour 20$. Et chaque ensemble contient le drap contour, le drap normal et une ou deux têtes d'oreiller. Vous pouvez commander ça sur Beantown Bedding. C'est beantownbedding.com. Ensuite, on reste au lit en thématique avec le Kickerlin Bedside Pocket. C'est une petite, un petit compartiment pour mettre dans votre lit pour pouvoir y insérer des gadgets, par exemple un iPad, je sais pas, votre livre de chevet. Donc à la place de l'avoir sur la table à côté de vous, vous allez l'avoir sur un petit genre de porte-dossier, un porte-document, mais qui est en dessous de votre matelas. Donc ça tient avec une plaque en dessous de votre matelas et le reste va sur le côté comme une petite poche ou un porte-document, ça ressemble vraiment à ça. Vous pourriez mettre votre portable là-dedans, livre, magazine, peu importe. C'est une pochette de côté de lit qui vous empêche d'avoir un paquet de trucs sur votre table de chevet. C'est-tu plate de tout le temps avoir à faire le ménage de ça? Et puis c'est un matériau, c'est genre fait en feutrine. Donc c'est parfait pour protéger même votre liseuse électronique, votre tablette ou peu importe. Le Kickerland, K-I-K-K-E-R-L-A-N-D, Bedside Pocket. Je trouve ça vraiment cool comme idée. C'est super cute en plus. Donc allez voir sur assemblagerequis.com pour le lien. Ensuite, si vous voulez convertir vos vieilles cassettes audio en fichiers MP3, ben il y a un nouvel appareil qui est de la grosseur d'un Walkman, littéralement comme le Walkman des années 90, sauf qu'à la place d'être jaune fluo, il est noir, pour s'adapter quand même un petit peu à son environnement de nos jours. Ça vient de la compagnie Hamaker Schlemmer, donc vous allez jouer vos cassettes analogues pour les transférer en fichier numérique juste en appuyant sur le bouton play. Ça s'appelle le Best Audio Cassette to MP3 Converter et donc ça vous guide à travers la conversion avec des instructions étape par étape qui apparaissent à l'écran de votre ordinateur avec le logiciel inclus. Et on dit que ça produit un enregistrement très clair et numérique à partir de vos cassettes analogues. Sans avoir de feedback ou de statique qu'on pourrait déjà avoir, oui, avec des appareils de moins bonne qualité. Vous pouvez utiliser ça comme appareil de lecture aussi en le connectant à des haut-parleurs ou à des écouteurs. Donc, vous pourriez vous en servir comme un vrai Walkman. C'est très, très petit, très portatif. Ça fonctionne avec deux piles 2A. Ou sinon, on peut le connecter par USB pour avoir tout le courant qu'on veut pour toujours. Hein? Ah, plaisant, ça. C'est vraiment le fun. Et ça coûte seulement $50 US sur Hamaker Schlemmer pour convertir vos cassettes audio. Ensuite, t'as déjà voulu peut-être amener ton ordinateur au Starbucks, mettons au café du coin, ça va, c'est cool. Mais si t'as un gros ordinateur de bureau comme un iMac, comment est-ce que tu vas faire pour te rendre au café du coin? Ben, il te faut le superbe sac pour iMac avec poignée par La Volta. OK. Hein? Donc, iMac 27 pouces, mettons, là. Ben, tu peux maintenant le transporter avec une poignée. Et ça aussi, c'est fait en feutrine, comme le truc de tantôt, avec des belles petites poignées en cuir. Tu insères ton iMac, là. On parle du gros iMac, là, oui, avec un pied d'acier, là. OK, OK, inoxydable. Okay. Ouais, ouais, c'est oui, le gros bureau, là. Ouais, ouais, hein? Donc, tu insères ça dans le truc en feutre et tu as une poignée pour tenir ton ordinateur et tu peux aller au café brancher ça. Et en plus, ce qui est le fun avec un iMac, c'est que tu as un seul fil. Le fil va dans le mur, ça branche l'écran, ça branche l'ordi, t'as pas rien, les haut-parleurs sont là-dedans. T'as tout ce qu'il te faut, et après ça, tu rajoutes juste ta souris et ton clavier. Et tout fonctionne, le Volta Carrying Case est fait de feutrine laineuse et de cuir, et c'est fait spécifiquement pour le iMac 27 pouces, donc ceux qui ont un iMac 21 pouces. C'est quoi l'autre 24? En tout cas, bref, le plus petit, là. Ben, oubliez ça, bâtard. Ouais. Trop petit. Il y a même des petites pochettes pour mettre son clavier Apple, son trackpad. Magic Trackpad, le Magic Mouse et le câble de courant. Tout ça pour $77, c'est quand même pas si cher. Sur Amazon, c'est US, bien sûr. Ensuite, on va ouvrir des paquets de façon plus simple. Tu sais, des fois, quand tu ouvres un paquet avec tes doigts ou avec une clé, tu vas te faire mal. Oui, ben oui, ben oui, clairement. Tu blesses, paper cut, peu importe. Bon. Ça m'arrive tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il te faut donc ce petit genre de dé à coudre, je dirais. C'est le Nimble One Finger Safety Cutter. C'est vraiment littéralement l'idée d'un dé à coudre. Tu mets ça sur le doigt et il y a un petit couteau au bout pour ouvrir des boîtes, des colis, des paquets, peu importe. De quand même bonne épaisseur. C'est fait de caoutchouc silicone, plastique ABS et une lame en céramique zirconia. Donc, le manchon de silicone est jaune pour aider à le trouver dans un tiroir à truc. Ouais, c'est ça. Hein? À cossin, comme on appelle. Et pour couper, ben évidemment, tu mets ça sur ton doigt et tu tiens ton doigt à 45 degrés et tu dessines une ligne. C'est littéralement, c'est comme du tactile, c'est comme sur ton iPhone. Tu traces une ligne et ça va ouvrir ton paquet. C'est parfait. Tellement avancé. Donc, le Nimble, parfait pour les gens qui ont des problèmes de dextérité, de la misère à prendre un ciseau dans ses mains. Donc, le Nimble One Finger, Nimble One Finger Safety Cutter, ça coûte 10$ sur le site de The Grommet, G-R-O-M-M-E-T, voilà. Ensuite, une robe qui change de visuel à volonté. Tu sais, quand tu tannes de tes vêtements, tu te dis « j'ai rien à porter aujourd'hui ». Ouais. Ben, porte tout le temps la même robe, mais change son décor. Oh boy. Donc, dans une petite vidéo sur l'assemblagerequis.com, on peut voir cette robe électronique programmable semblant provenir du futur. Elle a clairement l'air pognée dans du plastique, la fille. Ben, c'est pas mal l'idée, parce que dans le sens que c'est un écran avec du plastique et tout ça. Donc, des vêtements excessivement chers, peut-être un jour seront-ils abordables. Pour changer le visuel à volonté, c'est parce que dedans, il y a tout l'équipement qu'il te faut pour te montrer. C'est un écran, dans le fond. Ouais, ouais, t'as c'est probablement ça. Des puces et des fils. Clairement. Et des fait qu'elle est sûrement pognée pas mal loin. Peut-être qu'elle s'assoit, là. Ouais. Elle n'est pas capable de s'asseoir. Ben, tu sais, on la voit pas s'asseoir. Peut-être qu'elle peut pas, en effet. C'est ça. Peut-être bien. Ensuite, regarder un film sur son divan, hein, c'est le fun. Ben oui. C'est le fun, mais là, tu regardes la télé, c'est cool, mais mettons que tu vas avoir plus de vie privée là-dessus. Hein. Ouais. Il te faut donc un genre de gros sac qu'on se met sur la tête et qui devient un cinéma maison très obscur. Oh c'est bon. Le Pop Theater, c'est sur Kickstarter en ce moment. Donc, à la place de te rendre au cinéma ou de regarder ta télé ou ton téléphone intelligent ou avoir même un projecteur, hey, ça, c'est une salle de cinéma qui ressemble plus à une poubelle, je dirais. Ouais, c'est ça. Une poubelle de festival, tu sais, un gros baril de métal, là, mais sauf que c'est en plastique. Donc, on s'enferme la tête dans un genre de grand sac noir en toile avec de la place pour respirer, nous dit-on, dans lequel on fixe son smartphone ou une tablette et l'ensemble intègre une enceinte stéréo à connecter en Bluetooth avec le dispositif choisi pour créer une ambiance propice au visionnement d'un film, d'une série ou n'importe quoi d'autre. Donc, une salle de cinéma individuelle également portative, elle se plie et se range facilement dans son étui de transport. On peut même s'en servir à l'extérieur, on voit le gars étendu sur le gazon. Vous allez peut-être avoir l'air un peu bizarre. Hein? Mais bon, c'est ça, c'est quand même quelques petites dizaines de dollars, 44€ environ, j'imagine que c'est dans le coin de 60$ environ canadien, pour un ensemble comprenant un pop theater, une télécommande, une enceinte sans fil et un sac de transport. Livraison prévue en juillet 2018. La campagne se termine le 17 février prochain. En date de l'article, il n'était pas vraiment proche du but du tout. Sauf que pour savoir le total, il va falloir aller dans l'article via, puis après ça, cliquer sur la source de cet article-là. Les gens aiment pas ça envoyer des liens vers les sources directes. Ben non, hein? Hein? Attends un petit peu, je l'ai, tu sais, ici. Oui, je l'ai. Pop Heater, P-O-P-T-H-E-A-T-R. C'est pas Pop Heater, c'est Pop Theater, pardon. Aha. Ils sont rendus à 6730$ canadiens sur 49 000. Il reste encore 16 jours, ça va pas super bien. Même que ça va plutôt mal. Oh. Pour le Pop Theater. Malaise. Voilà. C'est pas le problème. Mais c'est pas cute, hein, on va se le dire. Mais c'est pas cute. C'est pas super utile. Non plus. Vraiment. Hein? C'est parce qu'il faut que tu t'installes avec ça. C'est un peu comme le Virtual Boy. Ouais, c'est ça. L'idée est bonne, là, mais il faut que tu te le mettes sur la tête. Tu te mets sur la tête. Là, c'est la même chose. Il faut que tu te mettes ton téléphone dans le truc, que tu mettes ta tête dedans, que tu sois une place qui est stable. Lui, il le fait sur le divan, mais je sais pas si c'est si confortable sur le divan. Ouais, non, je penserais pas. Là. Tu peux pas vraiment bouger. C'est spécial. Les liens de la chronique d'aujourd'hui sont sur assemblagerequis.com dans les notes de l'émission numéro 1195. Et c'est tout pour ça. Ça ne répond là. C'est aussi tout pour l'émission d'aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. Ben oui, certainement. Merci à David Ferron qui était là aujourd'hui. Ben oui, pour sa carte bleachée. Merci à Sébastien Guertin pour son bulletin Guertin. Merci à toi, Mathieu Plante. Merci toi aussi, Tania Baudin. Demain, l'émission, il n'y a personne. Donc, ça va être toi et moi. OK, je suis là. Hein? Ben non, on est là, Mathieu. Oui, oui, mais pas de chroniqueur. Non, en effet. On va avoir une entrevue téléphonique, par contre. Avec Yann Gagnon. Exactement, la préférée à Mathieu. Parler d'alcool. Exactement. Oui, je l'aime beaucoup, j'aime. Ouais. Donc, c'est demain entre 7h et 10h. Ainsi qu'une grosse pointe d'adresse en fin d'émission vers les 9h30. On va goûter à quelque chose qu'on s'est procuré pendant la semaine. Sinon, sur nos ondes, plus tard aujourd'hui, on est mercredi, donc le compte à rebours va commencer dans quelques instants, en rappel, à 10h. Ensuite, le Mathieu Plancheau, moi, je vais être là à 15h, en direct avec la chronique de Frédéric Simon, d'un autre gamer à un autre. À 17h, Audiomatique va vous faire jouer de la musique électronique. Et puis à 18h, on a écoutedonc.ca, l'émission de musique alternative, suivie de Lob Trotter, toujours en direct avec David Ferron, son émission de musique du monde. Voilà, à demain, 7h. Et bon café tout le monde. Bye Tania. N'oubliez pas la dose de café. Ouais. C'est important.